بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 113 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. On est arrivé maintenant à l'explication d'un terme qui est mentionné dans le Coran à différentes occasions, dans différents sujets, c'est le terme al-ba'th. Et le cheikh, il va mentionner, comme il a fait pour les autres termes qu'on a expliqués jusqu'à date, la différence entre al-ba'th al-kawni ou al-ba'th al-shar'i. Naam. Donc, on a mentionné déjà al-irada, on a mentionné al-amr, on a mentionné al-idhn, on a mentionné aussi par la suite al-qada, hein? Et on a expliqué qu'est-ce qui est kawni, qu'est-ce qui est shar'i dans ces choses-là. Mais, wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va expliquer le terme que le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné maintenant par rapport à al-ba'th. Il dit فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْبَعْثِ الْكَوْنِيِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. نعم. Donc, l'explication de ce verset, on va lire la traduction en premier. C'est dans Sourate Al-Isra, le verset 5. Donc, on va lire cette explication. C'est une explication que le cheikh va mentionner. En réalité, c'est le tafsir de ce verset. Et il est assez long. Et il y a beaucoup de détails qui sont expliqués. Vous allez voir, donc, c'est assez intéressant. Donc, ici, le verset qu'on a lu, le cheikh, il explique. Il cite ce verset-là dans l'exemple de ce qui est al-ba'th al-kawni. Al-kawni, on a dit, c'est ce qui est relié à la création et à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédications. De quelle prédication il parle? C'est le verset qui vient avant, ou bien les deux versets précédents. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Okay, donc ça c'est le verset en question. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 4, « Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par deux fois vous semerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. » Et le verset 5 que le cheikh a cité, « Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédications, يعني, ba'athna alayhim ibadan lana. Ba'athna, c'est-à-dire nous avons envoyé contre certains de vous, contre certains, ou nous avons envoyé contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures, et la prédication fut accomplie. Hein? C'était une promesse qui a été accomplie. Donc ça c'est l'explication du verset que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité à propos de Bani Israël. Ensuite, on va voir que Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ce verset-là. Il dit al-ba'th ala qismayn. Ba'th kawniyun, qadariyun, wa ba'thun shar'iyun. Al-ba'th al-kawni, mithlu qawlihi, fa'idha ja'a wa'du ulahuma, ba'athna alayhim ibadan lana uli ba'sin shadidin, fa'jasu khilal al-diyar. Wa'kana wa'dan maf'ula. Qala azza wa jal, wa'qadayna ila bani Israel fil kitab. يعني في التوراة التي معهم قضينا يعني أخبرناهم القضاء يطلق أحيانا ويراد به الإخبار. وقضينا إلى بني إسرائيل أي أخبرناهم لتفسدن في الأرض مرتين. والإفساد في الأرض إفسادها بالمعاصي والكفر والشرك، وإصلاحها بالطاعة والعبادة. فالأرض لا تصلح إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. أما الكفر بالله فهو إفساد في الأرض. قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالإفساد في الأرض هو النفاق والكفر، هو النفاق والكفر والمعاصي. وأما الطاعة والعبادة لله فهي إصلاح في الأرض. لتفسدن في الأرض مرتين بالكفر والمعاصي، يحصل منهم كفر ومعاصي مرتين. ولتعلن علوا كبيرا، يعني يحصل منكم كبر وأشر وبطر. فعند ذلك يعاقبهم الله في المرتين، يعاقبهم الله في كل مرة على إفسادهم وعلى كبرهم وطغيانهم. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى المرتين، أي أولى المرتين أفسدتم في الأرض وأفسدتم في الأرض، بعثنا، هذا محل الشاهد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد من الكفار. لأنه سبق أن كل الناس عباد لله، العبادة العامة كلهم عباد، عباد الله، العبادة العامة كلهم عباد الله، يعني العبودية، العبودية العامة، وكلهم عباد الله، يعني تنفذ فيهم أقداره وتدابيره سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ذلك. يعني كلهم عباد عبادة قهرية. أما العبادة الاختيارية فهي للمؤمنين خاصة، العبودية الاختيارية هذه للمؤمنين خاصة، أما العبودية القهرية فهي عامة للمؤمنين والكفار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم. Donc on va expliquer cette partie. Le Cheikh il dit ici par rapport à l'explication de ce verset là, il dit que le terme qui est mentionné ici, al-ba'ath, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala envoie. Ici, il dit que l'envoi, il est divisé en deux catégories. Il y a un envoi qui est kauni et qadari, c'est-à-dire qui est relié à la création et à la prédestination. Et il y a un envoi qui est shar'i. Et l'envoi qui est relié à la création, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans Sourate Al-Isra, dans le verset 4 qu'on a mentionné tout à l'heure, يعني فإذا جاء أولاهما فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا. Donc il dit lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédications, nous avons envoyé contre vous certains de nos serviteurs. Et le cheikh il dit certains de nos serviteurs, c'est-à-dire il y en a parmi les kuffars. Et ici, le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait informé les gens du livre parmi les juifs, Bani Israël, les fils d'Israël, dans la Torah qu'il possédait avec eux. Il les a informés en disant, « Qadayna, قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. C'est-à-dire, nous avons informé les fils d'Israël dans le livre qu'ils vont commettre du désordre sur terre à deux reprises. Et le fait de semer le désordre sur terre et de faire la corruption sur terre, c'est qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par les péchés que les hommes commettent et par la mécréance et le shirk. C'est ça la corruption. C'est ça le désordre sur la terre. Et donc, la réforme, qui est le contraire de la corruption ou du désordre, c'est yani, la réforme et la réparation de ce qui a été corrompu. C'est par l'obéissance d'Allah et par l'adoration d'Allah, hein, par le tawhid. Et donc, le cheikh explique que la terre, elle ne peut être réformée que par l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que la mécréance et le fait de renier la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est ce qui amène le désordre sur la terre. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans ce verset, dans le verset 56, dans surat al-A'raf, « Ne faites pas le désordre ou la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » C'est-à-dire qu'une fois que les messagers ont appelé à Allah et qu'on appelait au tawhid et on établit la religion d'Allah sur terre, ne la corrompez pas, c'est-à-dire ne faites pas la corruption sur elle, c'est-à-dire sur la terre, après qu'elle ait été réformée, en faisant de la mécréance, en faisant des péchés, en faisant du shirk. Et dans le verset 11, dans surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos des hypocrites, et lorsqu'on leur dit ne faites pas le désordre sur terre, ne faites pas la corruption sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs, hein? Nous ne faisons que réformer. Et le cheikh il explique ici ensuite, il dit que le désordre sur la terre, c'est donc par exemple ici dans ce verset, le verset 11, par le nifaq, l'hypocrisie, et c'est par le kufr. Et c'est par les péchés, hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par les péchés, par la désobéissance, aussi par les innovations, les bid'a, hein? Il dit, tandis que la réforme, c'est par l'obéissance et l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il explique qu'il a donc informé les fils d'Israël qu'ils allaient faire du désordre sur terre à deux reprises. Et on a dit que donc le désordre sur terre, c'est par la mécréance et par les péchés. Donc ça va se produire de leur part à deux reprises. Ils vont faire le kufr, ils vont semer le désordre, ils vont faire des péchés, de la désobéissance et répandre le kufr sur la terre à deux reprises. Et il dit wala ta'lunna 'uluwan kabira. Comment c'est expliqué wala ta'lunna 'uluwan kabira? C'est-à-dire, et vous allez transgresser de façon excessive. Yani, vous allez exagérer dans ça. Hein? Subhanallah. Et ensuite, il dit la suite de l'explication du verset, c'est-à-dire que il va y avoir de l'orgueil, de l'arrogance et beaucoup de corruption de leur part. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier à chaque reprise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils vont faire ça, Allah va les châtier. Donc, ils vont semer le désordre sur terre, Allah va les châtier. Ils vont recommencer une deuxième fois, Allah va les châtier encore une deuxième fois, et à cause de leur transgression, à cause de leur orgueil, et ainsi de suite, et du désordre qu'ils vont semer sur terre. Et il dit, une fois que la première de ces promesses, de ces prédications va se produire, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a mentionné donc ils vont faire le désordre sur terre à deux reprises et à chaque fois ils vont être punis pour ce désordre qu'ils vont semer. Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier à deux reprises pour le désordre qu'ils vont faire sur terre. Et il dit la première de ces deux fois, la première des deux corruptions, lorsqu'ils vont faire le désordre sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer contre eux. Et c'est ça ici que le cheikh il a mentionné comme preuve, hein, par rapport à ça. Il y a un shahid Le point qu'il veut prouver, il est établi ici. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ba'athna alayhim ibadan lana uli ba'sin shadid. C'est-à-dire, il va envoyer contre eux, c'est-à-dire contre Bani Israël, des serviteurs à lui qui ont une force, hein, une très grande force. Hein. Donc, ils vont être doués d'une force terrible qui pénètre à l'intérieur des demeures. Hein, qui pénètre à l'intérieur des demeures. Et il dit... Il y en a donc que ces serviteurs-là, c'est les kuffars. Et le cheikh, il dit qu'on a déjà expliqué que tous les êtres humains, toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah. Et la raison de ça, c'est parce que, en fait, le fait qu'on soit des serviteurs ou des esclaves d'Allah, parce que le terme ibad, c'est le pluriel du mot abd. Abd qui veut dire serviteur ou esclave. Et al-ibada, hein, c'est dans un sens qui est général et aussi dans un sens qui est particulier. Et le sens général, il inclut toutes les créatures. Toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah et des esclaves d'Allah. Dans le sens que les choses que Allah a prédestinées et les choses que Allah gère dans l'univers sont exécutées sur eux. Ces choses-là s'appliquent à eux aussi, les lois, les règles et tout ce que Allah a prédestiné, ça s'applique sur eux, qu'ils le veuillent ou non. Et ça, ils ne peuvent pas en sortir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exclure de ces règles-là et de ces lois universelles que Allah a établies dans la création. Par conséquent, ils sont des serviteurs d'Allah et c'est une servitude qui est forcée. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun choix dans ça, puisque c'est quelque chose que Allah gère et c'est lui qui contrôle tout dans l'univers. Hein? Le moindre atome qui existe, c'est Allah qui le contrôle. Et eux, ils font partie de cet univers, donc ils font partie de ce que Allah a créé et donc ils sont des esclaves d'Allah dans ce sens-là. Sauf qu'il y a une autre catégorie d'adoration ou de servitude qui est celle qui est volontaire. Et ça, c'est ce qui concerne en particulier les croyants. Parce que c'est les croyants qui acceptent de se soumettre et de devenir des esclaves d'Allah volontairement parce qu'ils sont croyants, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yani, ils sont des serviteurs dans le sens particulier. Mais le sens général de l'adoration, ça inclut toutes les créatures, même les kuffars. D'accord? Et par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Ba'athna alayhim ibadan lana uli ba'sin shadid », il va envoyer contre eux des serviteurs parmi ces serviteurs qui sont des kuffars. Hein? Parce que même les kuffars sont des serviteurs d'Allah dans le sens général. Et il dit ensuite, par rapport à ça, le verset 93 dans sourate Maryam, « In kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmani abda ». Il n'y a rien qui... C'est-à-dire, tout ce qui est dans les cieux et la terre va venir... soumis, esclave à Allah, hein, tout ce qui est dans les cieux et la terre va venir vers Allah en esclave, en serviteur. Hein. C'est la preuve que toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah, dans le sens général. Et il dit ensuite, وَقَوْلُهُ عِبَادًا لَنَا أَيْ مِنَ الْكُفَّارِ يُصَلِّطَ اللَّهُ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أي من الكفار يعني أولي بأس شديد والعياذ بالله معهم قوة وعتاد وبطش أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار يعني أفسدوا بلادكم ودخلوا بيوتكم ونهبوا أموالكم فجاسوا خلال الديار بسبب الإفساد الذي حصل منكم وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم يعني بعد ذلك إذا تاب بنو إسرائيل واستقاموا بعد النكبة وعرفوا خطأهم وأصلحوا شأنهم أعاد الله لهم العزة وأخرج الكفار من بلادهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي على الكفار الذين غزوكم في بيت المقدس وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية لأنه قال لتفسدن في الأرض مرتين, المرة الأولى مضت والمرة الثانية فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية ثم رددنا عليكم الكرة عليهم يعني إذا تبتم وأصلحتم يعني أعاد الله لكم عزكم ونصركم على عدوكم فأخرجتموهم من بلادكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا عصيتم مرة ثانية وأفسدتم في الأرض أعاد الله عليكم العقوبة وأعاد عليكم العدو فسودوا وجوهكم بالهزيمة النكراء والعياذ بالله. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يعني المسجد الأقصى يعني يدخلون المسجد ويفسدون فيه يعني في بيت المقدس وليتبروا يعني يهلكوا ويتلفوا ما علوا أي على بني إسرائيل من الأموال والمباني والعمران تتبيرا يعني يدمروه تدميرا بسبب فسادكم. دونك on va traduire cette partie. Ici ensuite le cheikh explique que les serviteurs qu'il va envoyer contre Bani Israël après qu'ils aient commis le désordre sur terre, c'est des serviteurs parmi les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le pouvoir contre les croyants, hein, contre les musulmans à cause de leurs péchés, de leur désobéissance. Et il va envoyer contre eux, il dit nous allons envoyer contre eux, contre vous, de nos serviteurs. C'est-à-dire parmi les kuffars qui possèdent une force terrible. Wal'iyadhu billah, ils ont une force et un pouvoir de frapper. Hein? Et ils vont traverser les demeures parce que vous avez fait le désordre dans votre pays et que vous avez fait la désobéissance et le kufr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer ces ennemis-là parmi les kuffars pour yani, vous châtier et vous punir. Et ils vont détruire vos maisons et ils vont détruire vos biens. Et ils vont traverser vos demeures à cause du désordre que vous avez fait. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Donc il dit, et ça c'est yani, une prédiction qui fut accomplie. Et il dit, ensuite, yani, il va vous donner une revanche sur eux. Yani, après que, le cheikh il dit, c'est-à-dire après que vous vous êtes repenti à Allah et que vous êtes revenu après avoir subi le premier malheur et la première punition, vous avez reconnu votre erreur, alors Allah subhanahu wa ta'ala va réformer votre situation hein, et il va vous redonner une puissance encore après avoir été châtié. Et il va faire sortir de votre pays les koufars qui y sont rentrés. Il dit, nous vous renforçâmes en bien et en enfants et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Hein? Donc il dit le cheikh, donc quand ils vont avoir une deuxième fois la force hein, contre les koufars qui les ont envahis en Palestine, hein, en Palestine, à Jérusalem, à Beit al-Maqdis, eh bien il dit on va vous donner des biens et beaucoup d'enfants. Vous allez devenir très nombreux. Et ensuite il leur dit, si vous faites le bien, hein, vous le faites à vous-même. Et si vous faites le mal, eh bien, vous le faites aussi contre vous-même. Hein? Et il dit, et puis, quand vient la deuxième prédication, c'est-à-dire qu'ils vont faire le désordre une deuxième fois encore sur la terre, il dit, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient rentrés la première fois et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Donc là, cette fois-ci, hein, la deuxième fois, ils vont tout détruire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset. Donc la première fois, ils sont venus, ils vous ont châtié. Allah vous a donné la revanche sur eux pour que vous vous repentiez, hein, que vous reveniez à Allah. Il vous a remis votre force, il vous a donné la victoire contre votre ennemi. Il vous a aidé à les faire sortir de votre pays. Puis il vous a donné des biens et des enfants et vous êtes devenus nombreux. Puis lorsque vous désobéissez encore une deuxième fois et que vous faites le désordre sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala fait revenir contre vous le châtiment encore une fois. Et il fait en sorte que l'ennemi revienne encore une fois contre vous. Hein? Et il dit, dans la suite du verset, puis vint la deuxième prédication, ce fut pour qu'il afflige vos visages. Hein? Pour qu'il afflige vos visages, c'est-à-dire les ennemis. Et ici, le cheikh, il explique ça, donc il dit, et pour qu'ils rentrent dans la mosquée, comme ils y étaient rentrés la première fois. Et c'est-à-dire la mosquée, yani la mosquée sacrée de Jérusalem, yani le Beit al-Maqdis. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا, pour qu'ils détruisent tout. Donc, pour qu'ils prennent le dessus sur Bani Israël et qu'ils prennent leurs biens et leur maison et leur demeure et tout ce qu'ils ont comme construction et qu'ils détruisent tout complètement et qu'ils anéantissent tout ce qui a été construit. Il dit « Asa rabbukum an yarhamakum » Ça, c'est la suite. « Wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira » والمرة الثالثة إن عدتم عدنا يعني وقد عادوا فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم وقتلهم شر قتله في وقعة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأجلوا من جزيرة العرب وفرقوا أو يعني فرقوا وشتتوا والعياذ بالله فهذه المداولات مع بني إسرائيل كلما أفسدوا سلط الله عليهم. Donc ici le cheikh explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. Hein? Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention pour les infidèles. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais ils font le désordre encore une troisième fois sur la terre, il dit « Wa in udtum udna » si vous récidivez, c'est-à-dire vous faites encore le désordre une autre fois sur terre, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va encore revenir contre vous avec un châtiment. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a donné la victoire à son messager contre les Juifs, contre Bani Israël. Et il les a combattus, hein, il les a combattus dans plusieurs des batailles qui a eu lieu avec les Juifs de l'époque. Parmi les tribus juives, celle de Bani Qaynuqa, celle de Bani Nadir et celle de Bani Qurayza, qui à chaque fois ont trahi leurs ententes avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait que à chaque fois ils ont été humiliés et ils ont été combattus. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager le pouvoir sur eux et il les a expulsés de la péninsule, hein, et il les a, yani, éparpillés et répartis partout dans différentes régions du monde. Wal'iyadhu billah. Et donc ça, c'est les échanges qu'il y a eu avec Bani Israël. Chaque fois qu'ils font du désordre sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala les punit en envoyant contre eux des serviteurs à lui pour justement établir contre eux sa punition. Et même encore aujourd'hui, c'est la même chose. Et à chaque fois qu'ils font le désordre sur terre, il y a des punitions qui tombent sur eux à cause de ça. Un autre exemple par rapport maintenant à qu'est-ce qui a rapport avec al-ba'th al-dini. Al-ba'th al-dini. Qala fi al-ba'th al-dini wa huwa alladhi ba'atha fi al-ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Wa qala ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc, en ce qui concerne l'envoi qui est religieuse, c'est l'exemple du verset 2 dans Surat al-Jumu'ah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés, c'est-à-dire les Arabes, qui n'avaient pas reçu de livre auparavant. Il dit, c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager de par eux-mêmes, qui récite sur eux ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Donc ici, il s'agit de l'envoi qui est religieux parce que c'est l'envoi d'un messager d'Allah. Hein? C'est quelque chose que Allah aime. Hein? C'est quelqu'un que Allah aime puisque c'est un messager. Tandis que dans l'autre verset qu'on a lu tout à l'heure dans Sourate Al-Isra, Allah envoyait de ses serviteurs qui sont des koufars. Il ne les aime pas parce que c'est des koufars, mais il les envoie parce qu'il a prédestiné cette chose et parce qu'il l'a créée, mais pas nécessairement parce qu'il a agréé ses serviteurs et non plus parce qu'il est d'accord avec ce qu'ils font, nécessairement. D'accord? Mais c'est, yani, qu'est-ce qu'il a prédestiné pour éprouver ses serviteurs? Il dit ensuite dans l'autre verset qui est le verset 36 dans Surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ. Nous avons suscité ou envoyé dans chaque umma, dans chaque nation, un messager, en leur disant, adorez Allah, lui seul, et écartez-vous du ta'arut, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré, autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire par rapport à ces deux versets-là. Le premier verset, il dit, والبعث الديني هو الذي بعث في الأميين رسولا أي بعثه أي أرسله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني هذا في البعث الديني فهذا بعث خيري وبعث ديني يعني بعث الرسل وأما بعث الجبابرة والطغاة فهذا بعث كوني عقوبة وأما البعث الديني فهو نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى وفي الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدل لها دينها يعني يبعث يعني هذا بعث ديني. Donc le cheikh il explique que l'envoi ici c'est un envoi qui est religieux. Il envoie les messagers. Tandis que lorsqu'il envoie des tyrans et lorsqu'il envoie des conquérants, hein, des gens qui sont forts et puissants, qui vont faire parfois même du désordre et de l'injustice, ça c'est un envoi qui est kauni, c'est-à-dire c'est relié à la création et à la prédestination. Il envoie ça comme un châtiment et donc il y a une sagesse dans ça. Ça ne veut pas dire que Allah aime cette chose. Et tandis que l'envoi qui est religieux, eh bien ça c'est une ni'ma, c'est une grâce, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose qu'il aime. Et il envoie ça hein, comme une miséricorde. Et il mentionne également le hadith qui est rapporté par Abu Daoud selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer à la tête de chaque siècle, hein, de chaque 100 ans, il va envoyer à la tête de chaque 100 ans au début de chaque 100 ans. Quelqu'un pour revivifier, hein, régénérer, si on veut. Hein. Il va régénérer la religion pour les gens. Et les ulama ont expliqué, c'est-à-dire qu'il va purifier la religion de ce qui a été ajouté et de ce qui a été inventé comme bid'a et comme ajout des choses qui ne font pas partie de l'islam. Il va réformer la religion dans le sens qu'il va la nettoyer et la purifier des innovations que les innovateurs ont ajoutées à la religion. Et donc ça, c'est le rôle du réformateur. Et c'est pas le réformateur comme certaines personnes essaient de prétendre parfois, en particulier parmi les kuffars et les mubtadi'a, qui pensent que la réforme, ça veut dire qu'on doit réinterpréter l'islam d'une autre façon pour, soi-disant, satisfaire les gens qui n'aiment pas certaines règles de la religion musulmane. Ils disent, il faut changer des choses dans l'islam parce que on est à une époque maintenant, c'est une époque moderne et l'islam n'est plus compatible. Donc il faut adapter la religion maintenant en changeant certaines choses et donc il faut qu'il y ait des réformateurs à l'islam. Un peu comme les chrétiens ont réformé le christianisme et l'Église catholique qui change à chaque 50 ans, ils adaptent les choses pour satisfaire les tendances des gens ou les goûts des gens ou les passions des gens. Et les Juifs, ils font la même chose. Ils changent leur religion selon l'époque pour faire plaisir aux gens qui ont de l'hypocrisie dans le cœur ou des choses de ce genre. Alors, ils disent, vous les musulmans, vous devez faire la même chose que nous. Hein? Mais nous, yani, on n'a pas à les suivre dans ça, surtout que Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve sa religion. Et la réforme, pour nous, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire de réinterpréter la religion, mais ça veut plutôt dire de la revivifier et de la nettoyer, de la purifier, et de s'y attacher encore plus fermement, hein, telle qu'elle était révélée à l'origine, parce que c'est une religion divine. Elle vient d'Allah, ce n'est pas une religion qui a été inventée par l'être humain. Hein? Donc, elle n'a pas besoin d'être changée ou réformée. Tandis que les religions précédentes qui ont été falsifiées et changées par les hommes, c'est normal qu'elles aient besoin d'être changées parce qu'elles ne sont pas faites déjà pour être pour toujours. Elles ont une durée limitée de temps. Et en même temps, elles sont pour un peuple spécifique. Parce que les prophètes précédents, ils venaient pour un peuple spécifique et ils venaient pour une époque spécifique. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khatimul Anbiya, ou bien Khatam al-Anbiya. Donc il est venu pour compléter la religion et pour la conclure, la révélation. Donc elle est faite de façon à ce qu'elle soit justement adaptée et applicable jusqu'à la fin des temps. Elle n'a pas besoin d'être modifiée ou réformée ou changée pour satisfaire les gens à notre époque. Le cheikh, il dit ensuite, par rapport à un autre terme qui est employé, al-ba'th, on a vu al-ba'th al-kawni et on a vu al-ba'th al-shar'i. Maintenant, le cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne un autre terme qui est al-irsal. Naam, il y a al-irsal al-kawni et il y a al-irsal al-shar'i. Naam. Donc, le cheikh ici, il dit, وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وقال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال في الدين وأرسلنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. Donc ici le cheikh il mentionne deux exemples, les exemples de l'envoi. Hein? Al-ba'th ou al-irsal, c'est des termes qui sont proches. Hein? Parce qu'on l'utilise tous les deux pour mentionner le fait que on envoie quelqu'un, hein? On suscite quelqu'un. Ici, al-irsal, l'envoi. Irsal, c'est la même origine que le mot rasoul. Yani le terme, les trois lettres de la racine qui est le ra, le sin et le lam. D'accord? Donc ici, al-irsal, ça veut dire l'envoi, le fait d'envoyer. Arsala yursilu. Irsalan. Donc, irsal, c'est le masdar. Et ici, le cheikh, il explique que al-irsal, ça peut être kauni, comme ça peut être shar'i. L'exemple d'un irsal qui est kauni, il a mentionné en premier irsal al-shayatin. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il envoie les shayatin, les diables. Et il a cité le verset dans Sourate Maryam à ce sujet. Et on va lire ensemble la signification de ce verset. C'est le verset 83. 83 dans Sourate Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables, des shayatin, le pluriel du mot shaytan, qui les excitent furieusement à désobéir? Et ici, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, il cite le verset, Alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza. Hadha irsalun kawniyun wa laysa bi irsalin shar'iyyin. الإرسال الشرعي هو إرسال الرسل، وأما إرسال الشياطين فهذا إرسال كوني قدري يسلط الله الشياطين على الكافرين. Donc ici, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise, par exemple, n'as-tu pas vu que nous avons envoyé les diables contre les mécréants qui les excitent furieusement à désobéir, ça c'est l'envoi qui est relié à la création et la prédestination, et ce n'est pas quelque chose qui est religieux ou qui est légiféré, puisque l'envoi qui est légiféré, c'est l'envoi des messagers, hein? Tandis que l'envoi des diables, ça c'est quelque chose qui est kauni, qui est qadari. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir au diable sur les mécréants. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il aime, hein? Dans le sens qu'il envoie ces diables-là, mais c'est pas quelque chose qu'il aime. Il n'aime pas les diables. Mais il les a envoyés pour une sagesse, hein? Pour punir ces gens-là et pour yani, qu'ils les égarent parce qu'ils méritent d'être égarés à cause de leurs transgressions et de leurs mécréances. Un autre exemple, il parle de quelque chose qui est envoyé aussi, mais qui est quelque chose, disons, parmi les choses inertes ou bien qui ne sont pas yani, des êtres vivants, comme par exemple le vent. Dans le verset 88, pardon, 48, dans Sourate Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il envoie justement le vent. Et on va lire justement la traduction de ce verset. Et c'est lui qui envoya les vents comme une annonce précédant sa miséricorde. Et nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Et ici, le cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant: هذا إرسال كوني قدري يرسل الرياح بشرا بين السحاب هناك رياح تثير السحاب وهناك رياح تجمع السحاب تؤلفه وهناك رياح تفرق السحاب وهناك رياح تلقح السحاب وهناك رياح تحمل السحاب وتسيره ولذلك قال الله رياح يعني متعددة وليست ريحا واحدة وهناك رياح مهلكة والعياذ بالله رياح رحمة ورياح عذاب أرسلنا الرياح يعني إرسالا كونيا قدريا. Donc ici le cheikh explique que en réalité c'est un envoi du vent qui est un envoi dans la création, dans la de qu'est-ce qu'il a prédestiné. Il envoie le vent comme une annonce. Hein? Il envoie le vent sur les nuages. Et il y a des vents, différentes sortes de vents. Hein? Il y a des vents qui séparent les nuages, il y a des vents qui les rassemblent, il y a des vents qui les poussent les nuages vers un endroit spécifique. Donc, c'est différents vents. Différents, c'est pas un vent, c'est des vents. Et il dit ici qu'il y a même des vents qui sont des vents destructeurs, hein, pour détruire. Voilà. Et il y a des vents qui sont des vents de miséricorde. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses que Allah envoie, des vents qu'il envoie. Et c'est dans la création, dans la prédestination, hein, qu'il envoie ces choses-là. Tandis que, en ce qui concerne Al-Irsal al-Dini, c'est le fait qu'il dit, par exemple, nous t'avons envoyé, c'est-à-dire en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous t'avons envoyé comme un témoin, comme un annonciateur d'une bonne nouvelle et comme un avertisseur contre un châtiment, le verset 45 dans Sourate Al-Ahzab. Et il dit à ce sujet-là, Irsal al-Irsal al-Dini huwa Irsal al-Rusul umuman, wa minhum Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadha Irsal diniyun wa rahmatun lil ummah wa rahmatun lil alam. Amma al-Irsal al-Kawni fa innahu yakunu niqma. Donc il dit le cheikh que l'envoi qui est religieux, c'est l'envoi des messagers de façon générale, et en particulier l'envoi du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une miséricorde. C'est donc un envoi qui est religieux. C'est une miséricorde pour cette umma, et c'est une miséricorde pour le monde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Tandis que l'envoi qui est kauni, ça c'est relié à la création, à la prédestination, et ça c'est quelque chose qui vient en général comme un châtiment que Allah envoie. Ensuite, il mentionne l'autre verset, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Nous avons envoyé Nuh, le prophète Noé, hein, à son peuple. Il dit, Wa kadhalika hadha irsalun diniyun. Yani ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Nous n'envoyons les messagers que comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment. Ensuite, il cite d'autres exemples à ce sujet-là. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا وَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ يَصْطَفِي من الملائكة رسلا ومن الناس. Donc ici le cheikh il explique hein, en citant les versets. Le premier c'est le verset 15 dans Sourate Al-Muzzammil. Nous t'avons envoyé, nous vous avons envoyé un messager comme témoin sur vous, de la même manière que nous avons envoyé à Pharaon un messager. Et dans le verset dans Sourate Al-Hajj, le verset 75, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Hein? Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça en disant Allahu arsala ilayna rasulan wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kama arsala Allahu ila Fir'auna rasulan wa huwa Musa alayhi salam fa'asa Fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Antum إن عصيتم أخذناكم مثل ما أخذنا فرعون وقومه. Donc ici le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers nous comme il a envoyé à Pharaon un messager, c'est-à-dire Moussa alayhi salam. Et il dit alors Moussa il a Pharaon a désobéi à Moussa alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a saisi. Hein, d'une façon yani forte, il l'a puni. Donc, de la même manière que si vous désobéissez à votre messager, il va vous saisir de la même manière qu'il a saisi Pharaon ainsi que son peuple. C'est-à-dire, il va vous punir comme il a puni Pharaon. Et ensuite, par rapport à l'autre verset qu'il a mentionné, il dit le cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, Ar-Rusul ala Qismain. Rusulun min al-Malaika. وهو الرسول الملكي ورسل من البشر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الرسل قسمان بشري وملكي. Donc les messagers sont de deux catégories. Il y a des messagers parmi les anges et des messagers parmi les êtres humains. Et c'est ça qu'on voit dans le verset que le cheikh a cité, qui est le verset 75 dans Surat Al-Hajj. Et l'autre terme qui est utilisé ou qui est mentionné, hein, c'est le septième. Il mentionne Al-Ja'l. يعني أما لفظ الجعل الجعلي عفوا الجعلي فقال في الكون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يعني وقال في الدين ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. Non. Donc ça c'est à propos de Al-Ju'l, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ou l'a fait, hein? Et ici il mentionne que il fait des choses qui sont kauniyya, il fait des choses qui sont diniyya. Et il mentionne à propos de ce qui est kauni ici, le fait que il a établi ou l'a rendu certains parmi les kuffars comme des têtes, hein, des guides qui appelle à l'enfer. C'est le verset 41 dans Surat Al-Qasas. يعني جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هنا صلى الله عليه وسلم. يعني وفي آية أخرى يعني il y a un verset aussi à propos de Bani Israël que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Donc ça c'est un autre exemple de ce qui est le fait qu'il a fait que certains parmi ses serviteurs soient des imams, des guides, des dirigeants qui guident selon sa guidance lorsqu'ils ont été patients et qu'ils ont été convaincus. Allah leur a donné cette gouvernance ou cette dirigeance. Tandis que ici, il mentionne que certains sont des imams ou des guides, mais dans l'égarement vers l'enfer. Donc ça, c'est le verset 41. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, وَجَعَلْنَا الْكُفَّارِ جَعَلْنَاهُمْ أَيْ يَنِي قَوْمْ فِرْعَوْنَ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. يعني جعلنا هذا جعل كوني يعني صيرنا يعني صيرنا on a fait deux hein, des imams vers l'enfer, et c'est-à-dire le peuple de Pharaon. Et le fait qu'il les a rendus comme ça, c'est-à-dire c'est dans qu'est-ce qui est kauni, qu'est-ce qui est dans la création, dans la prédestination. En ce qui est rapport avec la religion maintenant, il mentionne le verset 48 dans Surat Al-Ma'ida, وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Donc ça c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque messager, il a assigné, ou à chaque peuple, il a assigné une législation et une voie à suivre, un plan à suivre. Et il dit par rapport aussi à ce sujet-là, le verset 103 dans Surat Al-Ma'ida. Et ça, c'est par rapport justement au fait qu'il n'a pas légiféré certaines choses, hein, que les mouchriquines ont fait, et qu'ils ont inventé des innovations et des mensonges contre Allah. Et donc, ils ont prétendu que certaines des bêtes étaient réservées à leurs idoles. Donc, ils ont mentionné par exemple des choses par rapport à Al-Bahira, et Al-Sa'iba, et Al-Wasila, et Al-Ham. Donc ça, c'est quoi? C'est des différentes catégories d'animaux que eux ils ont déclaré tabous, hein, parce qu'ils les ont offertes à leurs idoles. Donc Al-Bahira, c'est la chamelle qui a produit cinq fois, qui a eu cinq fois des petits. Et donc, il leur coupait l'oreille pour indiquer qu'elles étaient libres. Personne ne pouvait la prendre. Et elles étaient consacrées à l'idole. Et ça, et ben, c'est la chamelle qui était laissée en liberté et consacrée à la suite d'un vœu à une idole. Et Al-Wasila, Al-Wasila, c'est la brebis qui a donné naissance cinq fois. Hein, cinq fois à des jumeaux. Et Al-Ham, c'est un chameau étalon qui a assailli dix fois une chamelle qu'il a fécondée à chaque fois. Donc, il l'a consacré à leur idole. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah n'a pas institué ni la Bahira, ni Al-Sa'iba, ni Al-Wasila, ni Al-Ham. Mais ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les mouchriquins et les kuffars, ils ont inventé un mensonge contre Allah et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. D'accord? Donc, ici, à ce sujet, le cheikh, il dit, « وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجَا » Ça, c'est « الشَّرْعِي الدِّينِ » « الْجَعْلُ الشَّرْعِي الدِّينِ » Et il dit, en ce qui concerne les exemples de ce que Allah a légiféré, il dit, « وَأَمَّا » L'aïa fi surat al-ma'idah. يعني وما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام هذه أنواع يعني كان المشركون يجعلونها في بهيمة الأنعام لأصنامهم البحيرة وهي التي يعني تشق أذنها وعلامة على أنها للصنم يعني تشق أذنها والسائبة هي التي لا يحمل عليها يعني إذا بلغت سنا معينا أو أنجبت نتاجا من الأولاد معينا نعم وسيبوها للأصنام فلا تركب ولا تحلب ولا تؤكل يعني مصيبة للأصنام ولا وصيلة إذا واصلت الحمل عدة مرات أيضا سلبوها للأصنام والعياذ بالله ولا حام يقولون الفحل من الإبل إذا بلغ مبلغا من الضراب فإنه يحمى ظهره حام يعني يحمى ظهره من الركوب والحمل فيسيبونه ولا ينتفعون منه وهذه التصرفات من المشركين وما أنزل الله بها من سلطان من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام يعني ما شرع الله ذلك وإنما هم الذين شرعوه لأنفسهم من دون الله عز وجل حرموا ما أحل الله والعياذ بالله الشاهد من قوله ما جعل الله أي ما شرع الله ذلك وإنما هذا من الكفار donc ici le cheikh il explique. Donc, également, ici, il s'agit de l'utilisation du terme « ja'al » dans le sens qui est « shara'i hein, », puisqu'il mentionne qu'il a, il n'a pas légiféré ces catégories que les mouchriquins ont inventées au sujet de certaines des bêtes et des bétails qu'ils possèdent, qu'ils consacrent à leurs idoles. Hein, ça ne fait pas partie de ce qu'il a révélé. Et si tu leur demandes à ces mouchriquins, mais pourquoi vous faites ça? Yani, ils ont inventé ça eux-mêmes. Et c'est ça que souvent les koufades, parmi les différents peuples, quand vous allez chez eux, par exemple, ils disent aux gens, il ne faut pas faire ça. Hein? Et tu leur dis, mais pourquoi? Ils vont dire, c'est comme ça. Par exemple, il y a plein d'interdictions, des choses qu'ils interdisent dans leur société ou dans leur ville ou dans leur village. Et si quelqu'un fait cette chose-là, ils vont lui dire « Ah, mais non, il ne faut pas faire ça, ça, c'est pas bien. » Et quand tu leur demandes « Mais pourquoi ?» Eh bien, ils disent « Non, c'est comme ça, c'est la tradition chez nous, c'est la coutume, il ne faut pas faire ça. » Mais si tu leur demandes « Est-ce qu'il y a un dalil hein? ?» Même parfois, c'est des musulmans. Tu leur dis « Est-ce qu'il y a un dalil là-dessus, du Coran et de la Sunna ?» Aucun dalil. Hein? Donc ça, c'est hein, une chose qu'on voit souvent. Et quand il dit ma ja'ala Allah, c'est-à-dire ma shara' Allah, c'est-à-dire Allah il n'a pas légiféré cela. Donc il nous reste seulement deux termes à expliquer, mais ça on ne va pas les expliquer aujourd'hui, on va laisser ça pour la semaine prochaine inshallah. C'est le premier, c'est at-tahrim, donc at-tahrim al-kawni ou at-tahrim al-shara'i. Et on va voir la différence entre les deux. et aussi al-kalimat al-kawniya ou al-kalimat al-shar'iyya. Ça va être pour le prochain cours, bi'idhnillah. Donc, après ça, on aura terminé d'expliquer les différents termes à ce sujet. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum wa fika barakatuh.